La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. L'un est astrophysicien, l'autre chercheur en neurosciences. Le premier s'intéresse donc à l'immensité de l'univers, lorsque le second explore les méandres de notre cerveau. Et a priori, les deux domaines n'ont rien à voir ensemble. Et pourtant, le cosmologiste David Elbaz et le neurobiologiste Alain Destex ont mis en commun leur savoir pour tracer des parallèles entre l'univers et le cerveau. Et leurs échanges montrent qu'il est donc possible de créer des liens entre ces deux sciences. Ils sont mes invités dans un instant pour parler donc de ces analogies entre cosmologie et neurosciences. Et vous pouvez dès maintenant leur poser toutes vos questions en nous rejoignant sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui à la une pluie de publications pour deux astéroïdes. Oui, Bennu et Ryugu sont sous les feux de la rampe. Ces deux amas de cailloux primitifs font l'objet de 10 publications simultanées avec plein de surprises à l'intérieur. On en discute dans un instant. Fanny Boyon réalise cette émission qui a été préparée par Lucie Sarfati. La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Voilà, cerveau et cosmos ensemble dans cette tête au carré avec mes deux invités, Alain Destex et David Elbaz. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. David Elbaz, réunir le cosmos et le cerveau pour montrer donc des analogies dans les deux domaines de recherche. C'est ce qui vous a motivé avec Alain Destex. Comment a commencé cette histoire originale? Oh, ça a d'abord été une rencontre anecdotique, simplement. On avait nos enfants à l'école à côté. Et puis, on s'est rendu compte que nos sciences étaient très très proches, comme on va le voir. Que l'univers et le cosmos avaient des points communs très intéressants. Mmh. Et puis, progressivement, en plongeant dans cette analogie, on a été troublé de trouver des choses qu'on n'attendait pas du tout et qui continuent de nous interroger aujourd'hui et qui nourrissent notre recherche finalement, ouais. Comme on s'y attendait pas, on nourrisse notre recherche au quotidien aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est grâce aux enfants que vous attendiez devant l'école que vous avez pu discuter ensemble, en fait, oui. C'est ça le truc, oui, au départ. Tout à fait. Ouais, ouais. Et un prolongement grâce à un ami magicien qui nous a dit, mais dites donc, c'est intéressant votre parallèle, si on faisait un spectacle ensemble, et on a travaillé ensemble là-dessus. Voilà. Et vous avez fait déjà plusieurs dates, hein, effectivement. Oui, tout à fait. Cet ami s'appelle Marc Fell, d'ailleurs. Alain Destex, on peut donc trouver sans peine des points communs entre ce cerveau qui vous passionne autant et le cosmos de David Elbaz? Sans peine, je dirais pas, parce que quand même, il faut un petit peu... réfléchir à parce qu'on compare deux choses qui sont sur des échelles à la fois de temps et d'espace, oui. Qui sont absolument considérablement différentes. Et donc, comme vous l'avez dit, on pourrait penser que qu'il y a très peu de points communs. Et en fait, au plus on y pense, au plus on creuse avec David. On s'amuse à faire ça pratiquement chaque fois qu'on se voit. Mais c'est frappant quand même. On va donner plein d'exemples évidemment au cours de cette émission, mais on peut parler par exemple des milliards, des centaines de milliards de galaxies ou des centaines de milliards de neurones. Rien que ça, on est quand même dans une analogie intéressante. Oui, il y a une espèce de chiffre magique qui est 100 milliards, qui est le nombre estimé de galaxies dans tout l'univers. Mm-hmm. Et il y a 100 milliards de neurones dans notre cerveau, à peu de choses. Mais au-delà du chiffre, ça va plus loin que ça, évidemment. Voilà, exactement. Hein. Et une des premières analogies qu'on avait repérées à l'époque, c'était une analogie de structure. Ouais. C'est que en fait, ce qui nous avait mis la puce à l'oreille, c'est qu'on a vu des photos de galaxies qui étaient reliées par des filaments, et en fait, on aurait vraiment dit des neurones. Et c'est un peu de là que c'est parti. Et en fait, effectivement, les galaxies sont reliées par des filaments de matière, et ça ressemble au réseau que font les neurones qui se connectent avec des axones. Donc on va parler de synapses et de neurones cosmiques aussi, David Elbaz. Oui, on va parler de ça, de pensée, de rêve, d'éveil, d'illusion, de réalité. Mais est-ce que cette rencontre, cet échange fructueux entre vous, peut donner naissance finalement à une autre discipline que vous seriez quasiment en train d'inventer? Alors, disons que avant d'aller jusqu'à une autre discipline, ça nous a amené à nous poser d'autres questions. Ouais. Et bien souvent, quand on est confronté à des blocages, le fait de changer de perspective aide. Et l'approche analogique a de tout temps fait faire des progrès énormes à la science. Ouais. Et donc, c'est un peu ça qui nous inspire. Ouais. Alain Destex, on va même entendre de la musique avec vous tout à l'heure, c'est ça? La musique Exactement. Des gens qui dorment? Exactement, ouais. et qui rêvent aussi. Ouais. Bon, eh bien c'est assez original, on va donc en discuter ensemble dans quelques instants, et puis bien sûr les auditeurs auront certainement des questions pour vous interpeller sur vos recherches cerveau et cosmos aujourd'hui dans La Tête au Carré. Le voici, cet astéroïde 500 mètres de diamètre. La sonde américaine Osiris-Rex devrait atteindre Bennu, avec pour objectif prélever au moins 60 grammes de matériaux riches en carbone à la surface de cet énorme caillou. La sonde Hayabusa 2 est entrée en contact quelques secondes avec la surface de l'astéroïde Ryugu. Aujourd'hui, la main de l'humanité a atteint un nouvel astéroïde. Et c'est même carrément la course aux astéroïdes en ce moment, car ce n'est pas une ni deux, mais 10 publications, vous le disiez tout à l'heure Axel, qui sont à la une de la science aujourd'hui. Et oui Mathieu, la situation est assez rare. Hein. Les deux grandes revues, Science et Nature, publiaient mardi dernier une rafale d'études au sujet des deux astéroïdes, hein, Ryugu et Bennu, observés de près respectivement par des missions japonaises et américaines. Alors ces deux petits astéroïdes ont à peu près la même forme, hein, des sphères avec un bourrelet à l'équateur, font moins d'un kilomètre de diamètre et sont composés d'un agrégat de rochers plus ou moins gros. Et pour faire le tour des résultats, nous sommes au téléphone avec Patrick Michel du CNRS. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez de la chance puisque vous faites partie des deux missions actuellement en cours en tant que conseiller scientifique pour la NASA et pour la JAXA. Et vous êtes astrophysicien à l'Observatoire de Côte d'Azur. Alors est-ce que c'est vraiment une course à la découverte qui se joue entre les Américains et les Japonais autour de ces astéroïdes? Pourquoi toutes ces publications en même temps? Alors c'est une course, mais une course comme deux tennisman qui se combattent sur un terrain de tennis. C'est d'ailleurs une course qui est faite avec une très très bonne entente, hein, évidemment. Les deux missions se communiquent l'une avec l'autre. Moi-même, je fais partie des deux missions, donc on voit bien qu'il n'y a pas de frontière entre les deux. Simplement, effectivement, il y a eu une sorte de petite course pour s'assurer que les premiers résultats, qui sont en fait les premiers résultats, les premières données que nous avons sur ce type d'astéroïde, arrivaient en même temps de part et d'autre, des deux côtés du monde. Alors, quelles ont été les plus grandes surprises au fur et à mesure que les deux sondes approchaient précisément de Ryugu et de Bennu? Alors en fait, donc c'est Hayabusa 2 qui est arrivée la première, le 27 juin dernier en 2018, sur cet astéroïde Ryugu qui fait à peu près 900 mètres de diamètre. Nous n'avions jamais vu avant d'image détaillée d'un astéroïde potentiellement riche en matière organique et en carbone, qui est ce que l'on pense être ce genre d'astéroïde. Donc ce sont vraiment les premières images que nous avons obtenues. Et on a été extrêmement surpris par le fait que sa surface est faite de rochers, de gros rochers, distribués de manière complètement homogène. C'est-à-dire qu'il y en a de partout. Ce qui pose évidemment un problème puisqu'on veut se poser pour récolter un échantillon. Oui. Donc ça, ça a été la première surprise qu'on a eue du côté de Ryugu, qui a été confirmé aussi du côté de Bennu, la cible d'Osiris-Rex, qui elle fait 400 mètres de diamètre, donc à peu près deux fois plus petit, et qui est aussi couvert de rochers, alors qu'il y a très peu de gravité. Donc vous allez parler plus tard de cosmologie, on parle plutôt là d'extrême gravité. Là on est à l'inverse, on a très peu de gravité, donc on se pose toujours la question, comment est-ce qu'on peut avoir autant de matière, autant de rochers qui restent à la surface, en dépit du fait que l'attraction est extrêmement faible. Donc ça a été les deux premières surprises qu'on a eues. Patrick Michel, ils sont à quelle distance l'un de l'autre d'ailleurs ces deux astéroïdes? Alors ils sont à grande distance l'un de l'autre, hein. Ils tournent autour du Soleil mais ils passent de temps en temps près de la Terre. Hayabusa 2 est à peu près à 340 millions de kilomètres de la Terre, donc un peu plus de 1000 fois la distance Terre-Lune. C'est quand même énorme, et Osiris-Rex à 120 millions de kilomètres, ce qui est vraiment fascinant parce qu'on s'imagine là qu'on a deux petites sondes faites par l'humain qui sont en train d'explorer de nouveaux mondes, hein. On est un peu comme des Christophe Colomb qui découvrent de nouveaux territoires, des territoires qu'on n'a pas du tout sur Terre parce que les conditions sont très différentes, et tout ça à des centaines de millions de kilomètres de nous. Alors Patrick Michel, il y a aussi la couleur qui les caractérise tous les deux. Vous dites ils sont si noirs que rien sur Terre n'est aussi noir que ces deux objets. Il faut les imaginer comment? Alors de quoi est-ce qu'ils sont faits? Ah ben là, il faut les imaginer très très très très très noirs. On peut pas. Effectivement. D'ailleurs, sur les images, les même publiques, hein, les roches les plus brillantes que vous voyez sont aussi noires que le charbon. Donc je vous laisse dire ce qui est plus noir. Donc on pense que c'est essentiellement du carbone. On n'a malheureusement pour l'instant pas une grande connaissance de la composition parce que il faudra attendre les échantillons. Mais on sait par contre qu'ils ont des minéraux hydratés, c'est-à-dire qu'ils ont vu l'eau. Mmh. Et en l'occurrence, Bennu encore plus que Ryugu. Et d'ailleurs, Bennu, et ça c'est aussi une grande nouveauté, est ce qu'on appelle actif, c'est-à-dire que des particules s'échappent de temps en temps de sa surface. On a découvert ça au mois de janvier, on demandait ce que c'était, puis on s'est aperçu que c'était récurrent. Et donc c'est un objet qui, un petit peu comme une comète en fait, laisse échapper des particules. Et une idée que nous avions, qu'il y a une sorte de continuum entre les deux populations, comètes et astéroïdes sur la base des propriétés physiques, eh bien est confirmée. On pensait avant que les comètes étaient ces objets qui dégazent et laissent échapper de la poussière et font sublimer la glace en vapeur, et que les astéroïdes étaient des petits cailloux complètement passifs. Et là, on s'aperçoit que c'est pas le cas, et ça a été une très très grande surprise qu'on essaie maintenant de comprendre. Alors, à terme, les objectifs de ces deux missions, c'est bien sûr de ramener un petit peu de ces astéroïdes sur la Terre. Quand est-ce qu'auront lieu les deux collectes? Elles sont décalées dans le temps, hein? Alors, Hayabusa 2 a fait sa première collecte, ce qui est une première dans l'histoire du spatial. On a réussi, avec le mécanisme prévu, un petit projectile de 5 grammes qui a tapé à 300 mètres par seconde sur la surface. On a réussi à se poser où on le voulait, sur une petite distance de 6 mètres. Hein, enfin, et vraiment, là, la zone était simplement de 6 mètres de large, parce que sinon, il y a trop de rochers. Donc, les Japonais ont fait un travail extraordinaire pour revoir leur stratégie d'atterrissage qui avait une précision de 100 mètres. Ils l'ont réduit à 6 mètres. On a réussi ça le 22 février. Il va y avoir une deuxième expérience assez risquée le 5 avril. Je retourne au Japon pour ça, d'ailleurs. On va faire une expérience d'impact à grande vitesse. Cette fois-ci, on va lancer un gros projectile de 2 kg à 7200 km/h pour faire un cratère et possiblement se poser dessus en fin mai, début juin, pour récolter un échantillon, cette fois-ci de sous-surface, pour comparer avec l'échantillon de surface qui a été pris le 22 février et voir l'effet de l'exposition à l'espace de ce genre de surface. Côté Osiris-Rex, la récolte aura lieu en juillet 2020. Et là, on est en train justement de caractériser complètement l'objet pour choisir le meilleur site pour récolter, sachant que la technique sur Osiris-Rex est un petit peu plus sophistiquée. Sur Hayabusa 2, on espère récolter une centaine de milligrammes. Sur Osiris-Rex, on espère récolter au minimum 60 grammes, voire jusqu'à 2 kilos selon l'état de surface. Et c'est vraiment avec ces échantillons qu'on va pouvoir analyser avec une grande précision la composition de ces objets, comprendre quels ont été les ingrédients initiaux qui ont permis de former les planètes, parce que ces objets sont les restes des briques qui ont formé les planètes, qui, contrairement aux planètes qui ont grossi et donc ont chauffé leurs matériaux, s'est transformé chimiquement, les astéroïdes, eux, ont conservé les propriétés chimiques initiales du système solaire. Ouais. Et puis aussi vérifier le rôle qu'ils ont pu avoir sur l'émergence de la vie sur Terre, parce qu'on pense qu'à la fin de la formation de la Terre, il y a eu beaucoup d'impacts qui ont pu apporter les matériaux qu'il fallait. Alors, une dernière question, puisque c'est l'actualité et c'est le mois d'avril, vous l'avez dit. Pourquoi est-ce que les Japonais veulent percuter l'astéroïde? Quel est le but à essayer de faire un cratère dessus? Alors, le but, il y a deux buts. En fait, le premier, c'est de comprendre cette physique de la cratérisation lorsqu'on est dans des régimes très différents de ceux de la Terre, parce qu'en fait, les tailles des cratères sur les astéroïdes et sur les surfaces en général nous donnent une estimation de l'âge de l'objet. En gros, plus vous avez gros cratères, normalement, plus l'objet est vieux, parce que un gros cratère signifie un gros projectile, et dans le système solaire, il y a moins de gros projectiles que de petits. Mais simplement, la relation taille du projectile, taille du cratère est mal connue. Peut-être qu'on va découvrir que même avec un petit projectile, on fait un très gros cratère, auquel cas l'âge de la surface est plus jeune. Donc ça, c'est le premier objectif, oui, de comprendre ça. Et le deuxième, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ramener un échantillon de sous-surface. Oui, donc d'aller à l'intérieur de l'astéroïde. Voilà. Merci beaucoup, Patrick. Michel, vous étiez en direct avec nous pour nous parler donc des aventures autour de ces deux astéroïdes. Merci beaucoup, Axel. À demain. Merci, à demain. Allez, en bref, dans l'actualité des sciences, les dangers du chlordécone confirmés à nouveau. Ce pesticide utilisé massivement entre 1973 et 1993 pour la culture de la banane aux Antilles fait l'objet de nombreuses polémiques depuis son interdiction. Un travail de deux chercheurs français publié la semaine dernière confirme son fort potentiel cancérogène et démontre qu'une exposition répétée au produit multiplie par 3 le risque de récidive des cancers de la prostate. La Martinique détient aujourd'hui le triste record du monde du nombre de cancers de la prostate par habitant, avec 230 nouveaux cas par an sur 100 000 hommes. Un oiseau fossilisé avec un œuf dans le corps, eh bien c'est une première. Découvert en Chine, vieux de 110 millions d'années, cet oiseau de la taille d'un passereau renferme un œuf parfaitement formé. Et c'est une chance, car chez les oiseaux actuels, l'œuf terminé ne passe pas plus de 24 heures dans le corps de la femelle. Mais en observant la coquille de près, les scientifiques ont remarqué des structures étranges qui laissent penser que l'œuf était peut-être mal formé, coincé dans le corps de l'oiseau. C'est peut-être l'œuf justement qui est à l'origine de la mort de l'animal. Et puis pour terminer, Illuminé, un travail astrolabe découvert sur les côtes du Sultanat d'Oman. Ce disque de métal gravé porte l'emblème du Portugal, la sphère armillaire toujours présente sur le drapeau du pays. Une étude réalisée en imagerie laser révèle une graduation fine et continue sur le pourtour de l'objet. Aujourd'hui invisible à l'œil nu, elle confirme que cet objet, justement daté du XVIe siècle, servait d'aide à la navigation. Allez, cerveau et cosmos, on fait des analogies dans un instant dans la tête au carré. Hello, c'était Kevin Morby. La tête au carré. Le cerveau humain. La structure la plus étonnante, la plus complexe de l'univers. 100 milliards de cellules ou neurones, autant que d'étoiles dans la galaxie. Tiens, voilà nos transmetteurs chimiques qui arrivent. Mis bout à bout, les neurones d'un cerveau humain égaleraient la distance de la Terre à la Lune. Et comment fait-il le cerveau pour en savoir autant ? Alors ça, mes enfants, c'est un grand mystère, car le cerveau contient un nombre de données qui défie l'imaginaire. C'est que nous avons jusqu'à 100 000 connexions. 100 000 connexions pour chacune des 100 000 milliards de cellules nerveuses du cerveau. Essayez un peu d'imaginer le nombre que cela fait. Allons, essayez. Voilà, ça c'était en 1986, il était une fois la vie, on s'en souvient. C'est peut-être ça qui vous a inspiré d'ailleurs, David Elbaz, sans le savoir, ça a peut-être infusé... Tout à fait, c'est possible que ce soit là, resté de façon subliminale. Voilà, avec justement cette comparaison entre les neurones et les galaxies. Vous êtes avec Alain Destex, nos invités cet après-midi. David Elbaz, vous êtes astrophysicien et chef de ce laboratoire cosmologie et évolution justement des galaxies au service d'astrophysique du CEVA, le commissariat à l'énergie atomique de Saclay, et vous avez publié à la recherche de l'univers invisible. On en avait parlé dans l'émission. Matière noire, énergie noire, trou noir chez Audi Jacob. Et puis Alain Destex, vous êtes chercheur en neurosciences intégratives et computationnelles à l'Institut Neuropsy de Paris-Saclay. Et vous êtes également l'un des co-directeurs du Human Brain Project. Alors première chose, de quoi s'occupent les neurosciences intégratives et computationnelles, s'il vous plaît? Alors les neurosciences intégratives et computationnelles, ben ça va en gros de la connexion synaptique jusqu'à l'émergence de réponses sensorielles et aussi la genèse des états cérébraux, qui est le sujet que j'étudie en particulier. Et le sommeil, l'éveil, ouais. L'attention, etc. Et le Human Brain Project, parce qu'on en a parlé il y a un petit moment, d'ailleurs ça fait quelques années qu'on n'en discute plus trop, mais pourtant... C'est un projet qui continue et qui a à peu près à la moitié de son âge, un peu plus. C'était quoi l'idée d'ailleurs au départ? Au départ, le résumé, c'est difficile de résumer un projet de cette taille-là, parce que c'est un projet qui rassemble environ entre 120 et 130 laboratoires en Europe. Le résumé, disons, du Human Brain Project, c'était de mieux comprendre le cerveau et ses pathologies en utilisant les technologies de l'information. Donc l'informatique, la neurorobotique, l'électronique, la simulation numérique. Donc projet d'envergure. C'est un projet d'envergure. Qui ferait beaucoup de chercheurs. Et là, vous en êtes où, alors? Et donc là, on vient de passer donc la moitié du projet. Et le Human Brain Project a défini 6 plateformes qui vont être, on espère, vont survivre la durée du projet et vont constituer des instruments que vont pouvoir utiliser toute la communauté des scientifiques. Donc ce sont des plateformes technologiques, c'est-à-dire ça concerne la simulation, la neurorobotique, etc. David Elbaz, on le disait donc tout à l'heure, c'est en discutant à la sortie de l'école, en attendant vos enfants, que vous avez croisé vos disciplines, les discussions sont parties comme ça, pour comparer donc vos domaines de recherche avec l'astrophysique et la neurobiologie. Est-ce que d'abord c'est quelque chose de fréquent finalement de croiser les disciplines comme ça entre chercheurs? C'est de plus en plus favorisé par nos instituts parce que on essaye de faire communiquer les différentes disciplines. Parfois aussi parce que ça coûte moins cher d'en payer deux d'un coup avec un seul financement. Faut pas se leurrer. Mais disons que c'est aussi difficile pour nous de transcrire directement comme un par exemple de manière publiable dans le monde de la recherche. Ce genre de dialogue. Donc ça demande souvent des relations humaines avant d'être quelque chose de scientifique. Mais je pense que c'est fondamental. Je pense que si on regarde l'histoire des sciences, les plus grands changements de paradigme, les changements majeurs, ont été faits non pas par des développements logiques. C'est comme ça qu'on voit la science, de façon matérialiste, logique. Souvent, ce sont des idées liées à des analogies. Quand on pense que Newton a fait une analogie entre la chute d'un objet comme une pomme et la lune qui tourne, aujourd'hui ça peut paraître évident, mais le fait que quelque chose tourne et que quelque chose tombe, ça n'a rien à voir. C'est très très différent. Et quand on fait cette analogie, il en découle l'universalité d'une loi physique qui est partout dans l'univers. Quand Einstein dit « si je suis dans une fusée, je ne peux pas savoir si la fusée accélère ou si je suis posé sur Terre », et donc il en déduit que l'espace et le temps sont malléables, ça change complètement notre vision de l'univers, et à chaque fois, ça se repose sur une analogie. J'ai cet espoir que les rencontres de différentes disciplines, comme celle, l'étude du cerveau et de l'univers, nous amènent à poser des questions autrement, et ainsi nous fasse comprendre autre chose. Et en discutant avec Alain, c'est un peu l'impression qu'on a aujourd'hui. Ouais. Enfin, sauf que là, des analogies, il y en a plein immédiatement, quasiment, qui s'imposent. Il y a des analogies qui sont très simples. Qui sont très simples, effectivement. Mais il faut trouver quand même des disciplines à l'index texte qui vont bien ensemble. On peut pas artificiellement, comme ça, essayer de combiner deux sciences. Justement, c'est en discutant ensemble avec David, donc c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Et on les identifie pas immédiatement, on les identifie par la discussion et chacun par le en attendant l'approche de l'autre. Parce qu'évidemment, moi, je suis pas éduqué en cosmologie et David n'est pas tellement éduqué non plus en neurosciences. Donc c'est en parlant qu'on se rend compte, mais c'est la même chose, etc. Et donc au plus on discute. Juste hier encore, on a discuté, on a encore trouvé nouveaux points communs. C'est quoi la dernière analogie en date finalement entre vos deux disciplines? La dernière analogie en date, pour vous donner un exemple, dans l'univers, la question sur laquelle je travaille, c'est pourquoi les galaxies entre guillemets meurent. C'est-à-dire, pourquoi sert-elle de former des étoiles? La vie d'une galaxie, c'est le fait de former des étoiles. Et ce dont on se rend compte, c'est que ce qui va exciter la formation d'étoiles dans une galaxie, si c'est poussé à une extrême, va faire l'effet inverse, va faire une inhibition. Et donc, je savais que dans l'étude des neurones, Alain parlait aussi d'excitation et d'inhibition. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, est-ce que chez vous, lorsqu'on pousse l'excitation au-dessus d'un certain niveau, ça devient une inhibition? Et il m'a dit oui. Il m'a dit, mais alors c'est pas bête ce que tu dis, parce que effectivement, à une certaine échelle, ça le fait, et la cause de ça, c'est ça. Et là, tout d'un coup, on a fait un lien avec une autre découverte qu'on avait faite, qui était le fait que il y a une forme d'universalité avec laquelle les galaxies donnent naissance à des étoiles dans l'univers, une séquence principale des galaxies, qui est un résultat qu'on a publié récemment, etc. Et il se passe la même chose dans les neurones, c'est-à-dire une progression, quand on pousse un, l'autre va avec, etc., une sorte d'autorégulation du système. Et Alain m'a dit, mais ça c'est une caractéristique des systèmes vivants, des systèmes nerveux. Et là, je me suis dit, mais attends, aussi des galaxies. C'est comme si l'univers était un peu vivant, voilà, et qu'il avait une réponse adaptée pour sans laquelle, et je conclue là-dessus, sans laquelle l'univers n'aurait jamais pu donner naissance à la vie. Mais il est vivant, l'univers, hein, David Elbaz. Oui, il est vivant parce qu'on est là. Oui. Mais on ne serait pas là si il n'y avait pas eu cette forme de vide inerte, en quelque sorte. Alors bien sûr, tout de suite, faut mettre un bémol. Je voudrais pas que les auditeurs pensent que on est en train de dire que l'univers est un cerveau et donc qu'il pense, etc. On n'en est pas là. On est simplement en train de s'interroger. Il y a des mécanismes, qui sont ressemblants, évidemment. Alain Destex, alors si on pousse, par exemple, parce que moi il y a une question qui me vient à l'esprit quand on parle de neurones justement ou d'inhibition, etc. Est-ce qu'on peut imaginer précisément des maladies neurodégénératives dans le cosmos? Enfin, est-ce que vous avez entreaperçu des choses qui pouvaient s'apparenter ces maladies que vous étudiez? Liées à cette question d'excitation et d'inhibition. Une des premières réflexions qu'on avait eues, c'est que David avait décrit un schéma d'interaction entre les galaxies, parce qu'en fait, il y a des interactions excitatrices entre la matière extragalactique et la galaxie. Et je lui dis, mais s'il y a que de l'excitation, c'est un problème, parce que un système qui n'a que des éléments qui s'excitent les uns les autres, il s'emballe. On peut penser nerveux, aux cellules ou aux neurones. Ça fait l'épilepsie. C'est un des mécanismes de l'épilepsie. C'est un emballement des neurones, parce que en réalité, dans le système nerveux, il n'y a pas que l'excitation, il y a l'inhibition, et l'inhibition est là pour stabiliser le système. Et s'il y a un petit changement, un petit déficit ou un petit excès de l'excitation par rapport à l'inhibition, tout de suite le tissu nerveux génère de l'épilepsie. Et en fait, on a trouvé des analogues un peu dans les... C'est-à-dire que les premières simulations à l'ordinateur de l'univers faisaient des univers épileptiques. C'est-à-dire des univers qui formaient toutes leurs étoiles très tôt et après il n'y avait plus rien, ça mourait. Il fallait de l'inhibition. Mais on aurait dû regarder le cerveau plus tôt. Alors Patrick nous écrit, et beaucoup d'auditeurs d'ailleurs également sur franceinter.fr, il nous dit ceci, la propriété fondamentale des neurones est d'interagir entre eux. Comment les étoiles interagissent-elles? Existe-t-il des médiateurs entre les étoiles ou s'agit-il uniquement de champs de force magnétique? Alors c'est une très bonne question. Alors c'est pas à l'échelle des étoiles, c'est à l'échelle des ensembles d'étoiles qu'on appelle les galaxies. Et ça, on savait depuis très longtemps qu'à très très grande échelle, sur typiquement plusieurs centaines de millions d'années-lumière, le cosmos était structuré comme une toile d'araignée. Mais ce qu'on a découvert depuis quelques dizaines d'années uniquement, c'est que chaque galaxie est comme un arbre avec les racines qui s'interconnectent les unes les autres, est nourrie par environ 3 filaments qui sont comme des cathéters qui viennent activer la formation d'étoiles dans les galaxies. Dans une galaxie, il y a de quoi vivre à environ 100 à 200 millions d'années. Or, les galaxies forment des étoiles pendant des milliards d'années. Donc, on sait qu'il y a une nourriture en permanence par des liens qui sont l'analogue des axones et des dendrites. C'est ça, exactement. Qu'on voit pour l'instant dans nos simulations, qu'on commence à voir dans nos observations, on les cherche. Et c'est la clé pour comprendre les cellules de l'univers que sont les galaxies, effectivement. Alain Destex, on a nos réseaux de neurones, là, finalement, qui se dessinent. Oui. Et au plus on les regarde, au plus ils se ressemblent au réseau des galaxies. Ouais. Ça doit être très excitant quand même de cogiter ensemble comme ça et de trouver, parce qu'il y a quelque chose de très ludique aussi finalement dans votre travail là. Tout à fait. Mais non seulement ça nourrit la connaissance. Une chose que j'ai appris d'Alain aussi, c'est que quand on regarde l'univers, on regarde la voûte céleste, on a l'impression qu'elle est immuable, toujours la même. Oui. Les constellations sont les mêmes que quand on était enfant. Puis quand on l'étudie un peu plus, on sait que des étoiles naissent, meurent, des galaxies se mangent, cannibalisent, il y a du harcèlement de galaxies, il y a des tas de choses qui se passent. Et ben dans le cerveau, une des découvertes relativement récentes que m'a raconté Alain, c'est qu'effectivement, on pensait avant que lorsqu'on plie un muscle, par exemple, il y a une excitation d'une zone du cerveau. En réalité, non, c'est tout le cerveau qui est actif. Pareil, il y a une activité permanente. Allez, on y revient dans un instant, et puis on va écouter la musique du cosmos et la musique du sommeil également, parce que vous nous avez apporté des petites choses à nous faire entendre. Ce bateau, c'était Olivier Margery. La tête au carré, Mathieu Vidard. Voilà, David Elbaz, Alain Destex mélangent leurs disciplines, en discutent et ça donne justement un dialogue entre le cerveau et le cosmos avec vos messages sur franceinter.fr. Alors justement, Patrice nous dit, si les astronomes ont introduit la notion de matière noire dans l'univers, on parle aussi de matière grise pour le cerveau. Que revêt réellement cette terminologie? Est-ce que ce n'est pas une notion un peu fourre-tout, dit Patrice sur le site de l'émission. Ouais. Alain Destex. On a souvent utilisé le nom matière noire pour le cerveau, pour qualifier tout ce qui est un peu mystérieux et dont on ne connaît pas le rôle. Et par exemple, ça a été utilisé pour la glie. Ouais. Pour les cellules gliales qui parfois peuvent être aussi nombreuses ou même chez les individus âgés, même plus nombreux. Oui. Que les neurones et le rôle de la glie est pas encore clair à l'heure actuelle. On en connaît certains, mais il y a aussi une analogie avec l'activité cérébrale que en fait quand on mesure l'activité cérébrale, eh bien on comprend seulement un petit pourcentage de cette activité. Mmh. Et donc le reste nous apparaît comme mystérieux, et donc ça a été aussi appelé la matière noire du cerveau. Ouais. C'est toute cette partie de l'activité qui n'est pas reliée à un événement extérieur. Et donc c'est quelque chose de fondamental qu'on a exploré avec David, parce que il se trouve que l'activité cérébrale qui est permanente, qui est continuelle dans un cerveau qui n'est pas anesthésié, bon, dans un cerveau éveillé, représente une énorme partie de l'activité. Et l'activité qu'on appelle évoquée, donc qui est provoquée par des stimuli extérieurs, par exemple la vision dans le cortex visuel, représente une petite partie. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une des approches qui a permis de visualiser très bien cette découverte, c'est de comparer l'activité du nouveau-né avec l'activité du cerveau adulte. Mmh. Et chez le nouveau-né, il n'y a pas beaucoup d'activité spontanée. Et quand on regarde l'effet d'un stimulus visuel, par exemple dans le cortex visuel, on voit que presque 100% de l'activité évoquée est évoquée par le stimulus. Par contre, chez l'adulte, on voit qu'il n'y a qu'une toute petite partie du stimulus qui change l'activité intrinsèque du système. Ouais. Et ça, c'est fondamentalement différent de l'image qu'on avait au début du siècle, enfin du début du siècle passé, dans laquelle, comme dit David, on avait une image un peu du cerveau comme un muscle. Oui. C'est-à-dire quand le cerveau fait rien, ben il y a pas d'activité, et quand le cerveau fait quelque chose, les neurones se mettent en activité. C'est pas du tout comme ça. Les neurones sont tout le temps en activité constante. Alors justement, on parlait avec Michel Levenquen la semaine dernière, chercheur en neurosciences du cerveau et de son mode par défaut. Je vous propose de l'écouter, il fait une petite analogie sympathique qui rejoint ce que vous nous disiez. C'est pendant en fait ces moments de repos, lorsque nous on se repose, le cerveau en fait est le théâtre d'une activité intrinsèque extrêmement puissante, c'est ce qu'on appelle le mode par défaut. Alors ça a été en fait observé pour la première fois par un Américain qui s'appelle Marcus Reichel en 2001 en fait, qui était la première personne qui a enregistré des participants dans un scanner qui faisait rien du tout. Donc un scanner à IRMF, donc une imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, et lorsqu'il a observé ces sujets qui faisaient rien du tout, il a observé des grandes vagues d'énergie dans le cerveau des participants, des vagues qui à peu près 0,1 Hz, donc une grande vague toutes les 10 secondes. Et ces vagues, en fait, impliquent des régions très particulières, surtout des régions qui sont sur la face interne entre les deux hémisphères, qu'on appelle les régions mésiales. Il a même donné un nom à cette énergie. Il a appelé l'énergie sombre en référence à cette énergie du cosmos, et donc on ne connaît pas du tout l'origine. Voilà, David Elbazin, on y est, hein, dans vos terres cosmiques, finalement, même quand on parle du cerveau. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, on peut même prolonger l'analogie. Alors allez-y. On en parlait justement avec Alain. C'est-à-dire que cette activité, ce mode par défaut, dont Alain nous en dira certainement plus, c'est quelque chose de fondamental. Parce que lorsqu'on regarde, par exemple, une table, on voit une ligne horizontale, deux lignes verticales, une couleur. Et puis ce qu'on voit en réalité, c'est une table. On pense qu'elle est en bois, que les pieds sont en métal, etc. Beaucoup, beaucoup plus que ce qu'il y a. Donc c'est toute une part de projection qui vient de notre activité, de nos neurones, cette activité spontanée. Mais ce que disait Alain tout à l'heure, c'était qu'un enfant, en bas âge, n'a pas encore construit ça. Et que ça va venir progressivement. Et quand on regarde l'activité des neurones, c'est quasiment quelques pourcents qui viennent des stimuli extérieurs et 95% qui viennent de cette activité spontanée. Eh bien, lorsqu'on étudie l'univers, la partie visible représente quelques pourcents et la partie non visible représente environ 95%. Or, celle qui domine, qu'on appelle cette énergie noire dont on a entendu parler là, cette énergie sombre, ouais. Eh bien, lorsque l'univers était enfant, elle était absente. Elle est apparue progressivement à mesure que l'univers grandissait et qu'il devenait adulte. Voilà. On rentre encore dans une analogie qui est vraiment troublante. Absolument. Jean-Paul nous dit ceci sur franceinter.fr. L'augmentation des circonvolutions du cortex pourrait-elle être apparentée avec les galaxies qui s'éloignent? Alors, même nos auditeurs nous proposent des analogies. C'est très intéressant. J'y avais pas pensé, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, je sais pas si ça répond exactement à ce que dit votre auditeur, mais. Donc, les circonvolutions sont les plis, hein, oui, tout à fait. Du cerveau. Mais, hein. Mais comme l'univers est doté d'un espace-temps qui se plie, là où il y a des galaxies et des amas de galaxies et qui se déplient du fait de l'expansion de l'univers, on a quelque chose là encore. On tire le fil, hein, Alain Destex. On n'y avait pas pensé à ça. Ah ben voyez, il suffit de venir dans la tête au carré. Les auditeurs ont des idées. On est là pour ça. Voilà. Merci les auditeurs. Ouais, absolument. On va écouter la musique du fond diffus cosmologique, David Elbaz. Vous nous présentez cet extrait d'abord juste pour l'introduire. Oui, tout à fait. Donc c'est un son du fond diffus cosmologique qu'on va entendre. Ce qui est très intéressant, c'est que au début, on l'entend, on va, là, ça y est, on va l'entendre. On commence à l'entendre. Alors qu'est-ce qu'on entend là ? Alors, il y a de nouveau une analogie, et celle-là, c'est la plus troublante pour moi dans notre rapport entre le cerveau et l'univers. Ouais. C'est que, dans les années 60, on a capté ce qu'on appelait un bruit de fond de l'univers qui venait de partout, on en a tous entendu parler, cette idée du Big Bang, etc. Bon, et on peut ensuite analyser localement comment ce signal varie, s'il est un peu plus fort à droite qu'à gauche, un peu plus fort un peu à droite versus un tout petit peu à gauche, etc. Et pour ça, il faut des satellites très très très sophistiqués, comme le satellite Planck qui a récemment fait la carte de ce fond diffus cosmologique et réalisé qu'en réalité, derrière le bruit, il y avait un signal, une information très sophistiquée qui était la carte des germes de toutes les structures de l'univers. Et qui en réalité ne sont pas du bruit, ce n'est pas un signal incohérent, mais est une véritable structure. Mm-hmm. Les premiers électroencéphalogrammes du cerveau ont détecté un bruit de fond dont on ne savait pas ce que c'était. Et Alain Destex va nous raconter la suite. Alors, on vous donc passe la main. Le son qu'on vient d'entendre du fond diffus cosmologique, c'est une transcription de la lumière que nous recevons aujourd'hui qui vient d'une époque où le son régnait. Dans l'univers, l'espace est essentiellement vide, et donc les sons ne circulent pas. Mais pendant les 380 000 premières années de l'histoire de l'univers, le son pouvait circuler dans l'univers. Il y avait une sorte de résonance de l'univers, des notes de musique acoustique, des résonances acoustiques, qui ont cristallisé lorsque l'univers est devenu transparent. Mmh. Et ces cristallisations des notes de la musique primordiale, eh bien, les descendants de ça, c'est nous. Donc le son primordial qu'on vient d'entendre là, une sorte de mantra primordial en quelque sorte. Nous en sommes les enfants. Nous en sommes les enfants. Sans ce son-là, il n'y aurait pas les irrégularités de l'univers et les galaxies, les étoiles, etc. Ah ça, ça nous plaît beaucoup, Alain Destex. Alors, reprenez la main avec votre cerveau pour prolonger la discussion là-dessus. Oui, juste pour continuer l'analogie à propos du bruit, dans l'histoire des neurosciences, effectivement, des premiers signaux qui ont été enregistrés étaient des signaux qui étaient extrêmement bruités, entre guillemets. Les chercheurs avaient même parlé explicitement de bruit. Et comme l'a décrit, on l'a entendu, Michel Van Kuyen, il existe en fait un mode par défaut, c'est-à-dire, qu'est-ce que veut dire le mode par défaut ? Ça veut dire qu'en fait, c'est pas du bruit, il y a une structure, exactement comme le fond diffus cosmologique, et cette structure met en relation certaines aires cérébrales avec une séquence bien précise ou avec un pattern bien précis qui est parfois reproductible d'un sujet à l'autre. Et donc on parle plus de bruit, parce qu'au début on appelle bruit, parce que ça bruit, ça veut dire je sais pas ce que c'est et je ne comprends pas, et donc je l'appelle bruit. Et là maintenant on commence à comprendre la structure qu'il y a dans cette activité. Et en fait un des moyens qu'on avait utilisé c'était aussi la musique. La motivation était que on avait la chance d'avoir des enregistrements chez l'homme de neurones excitateurs et inhibiteurs, et on a voulu savoir comment ces neurones s'orchestrent ensemble dans des conditions particulières, alors dans différents états cérébraux, comme l'éveil, le sommeil, etc. Et donc la musique a été un moyen, c'est-à-dire de transposer les neurones en activité musicale, parce qu'il y a beaucoup de neurones, et visualiser une centaine de neurones, c'est pas facile. Par contre, les mettre de façon musicale, où chaque neurone a sa note, a son instrument, etc., et faire une espèce de symphonie, on peut tout de suite entendre la structure de cette symphonie. On peut peut-être écouter une séquence. Alors, on en a une, on en a plusieurs, mais on va en écouter. De l'éveil, par exemple. Alors, l'éveil, c'est la première. Un sujet éveillé, puis je vais expliquer comment est-ce qu'on l'a faite. Ça, c'est l'éveil, ça. Oui. Ça, ce sont les neurones d'un homme éveillé. Oui. Bah, ça bouge bien, hein. Je ne suis pas sûr que c'est un homme, parce que je ne connais pas l'identité. Bon, enfin, d'un être humain. Voilà. Ah oui, vraiment, c'est quasiment de la techno. Alors, décrivez-nous ce qu'on entend. Alors comment est-ce qu'on l'a fait ? C'est que une des propriétés des neurones inhibiteurs, c'est qu'ils sont d'abord ils déchargent plus et ils déchargent de façon plus rythmique. Donc au niveau de la musique, ils vont former naturellement les basses et les sections rythmiques. Et donc ça, dans cette musique-là, vous entendez effectivement tout ce qui est basse et sections rythmiques, ce sont les neurones inhibiteurs. Par contre, les neurones excitateurs déchargent moins souvent et il faut en mettre plus pour entendre une mélodie. Et donc, eux vont former la mélodie. Donc, eux, ce sont ceux qui sont joués sur le xylophone. Ouais. On va en entendre d'autres dans un instant. On a d'autres états. On va le proposer aux auditeurs de La Tête au Carré et ça va nous permettre de poursuivre notre discussion autour des analogies entre cerveau et cosmos. C'est quoi ton nom ? Cold Princess. T'as quel âge ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Tu veux un cachou ? Non merci, je ne suis pas très pauvre. J'ai fumé du pot, c'est marrant mais ça rend pas causant. C'est comme là, tu sais. Non, je sais pas. J'ai tâté du kiff aussi. Bof, il y a toujours ces hippies, je pleure pas. Ils sont là à traîner, ils sentent vraiment mauvais. Moi, je vis dans un monde vert et mauve toute la journée. Quand j'ouvre les yeux, c'est... Tu veux un cachou? Non, merci, je ne suis pas très drogue. Avec mon chien Otis, je le sors le matin, on vole tous les deux jusqu'à la plage, c'est super beau. Je reste assise sur le sable une heure ou deux avec tous mes copains, ceux dans ma tête et ceux de la plage. De temps en temps, on branche un tourne-disque, et là sur la plage, on danse. On danse le jerk, tu sais, le jerk dans la lumière, jusqu'au petit matin et les couleurs explosent. Un cachou. Non merci, je ne suis pas très drôle. Là sur la plage, quand le vinyle crépite sur la platine, ça fait... Si j'ai choisi mon château bleu, je twiste en regardant le ciel et la tête dans les étoiles, je ferme les yeux. La lune est mauve et les reflets sur la mer sont merveilleux, tu sais. Et puis la flotte explose en mille petits morceaux d'étoiles. Je sens qu'il est temps et je rentre me coucher. Tu devrais prendre un cachou, tu sais. Non merci, je ne suis pas très drôle. Je ne suis pas très drogue, c'était The Liminanaz. La tête au carré sur France Inter. David Elbaz, Alain Destex pour une discussion cosmos-cerveau cet après-midi dans la tête au carré avec les questions des auditeurs qui nous rejoignent. Alban nous dit, ça génère des discussions un peu anthropocentrées. Dites donc, si on compare avec le nombre de neurones d'un chien ou encore d'un criquet, ça ferait pas le nombre d'étoiles dans la galaxie. Ce qui est intéressant, dit Alban, c'est le système de réseau. Oui, c'est David vrai Elbaz, qu'il y a des analogies avec les animaux aussi. Ce qui est peut-être le plus proche de l'homme, finalement, dans cette analogie, c'est quand on s'interroge sur le regard qu'on porte sur l'univers, qui vient de notre cerveau et qui s'appuie beaucoup sur des théories, sur des représentations. Ouais. L'homme développe des représentations. Et quand tout à l'heure je parlais de matière noire ou d'énergie noire... Typiquement, ça pourrait en être une. Ça pourrait être une illusion. Ouais. Une illusion engendrée par nos théories. Parce qu'à partir du moment où 95%, comme on le disait, de ce qu'on voit est une projection liée à ce qu'on sait, ouais, eh bien, on peut... Et c'est de plus en plus de collègues commencent à se poser la question de savoir si on n'est pas dans la situation du type qui va chez le docteur, qui a mal partout. Ouais. Et d'autant qu'on la cherche, qu'on la trouve pas, la matière noire. Hein. Alors, la matière noire n'ayant pas été trouvée, l'énergie n'ayant pas été trouvée, ouais, ce que je voulais dire, c'est que en pratique, il est possible que notre théorie doive être modifiée et que l'enjeu qui est derrière tout ça, c'est d'arriver à réconcilier infiniment grand et infiniment petit. La mécanique quantique, ça, et la relativité, grande quête, hein. Ça c'est la grande quête. Ouais. Jusqu'à présent, c'est des extrême dont on pouvait se dire que, eh bien, elle nous concerne pas vraiment, mais si 95% de ce qu'on voit dans le monde qui nous concerne, émerge de là, il va bien falloir qu'on s'attaque au problème on s'y attaque, mais qu'on arrive à le résoudre un jour ou l'autre. Donc ça, c'est proprement humain, cette capacité de voir au-delà de ce qui est. Alain Destex, un message d'Hugo. Est-ce qu'on utilise, demande-t-il, le plein potentiel de notre cerveau, comme expliqué dans le film Lucie, par exemple? Oui, je pense que c'est une légende qu'on n'utilise qu'un petit pourcentage de notre activité cérébrale. Simplement, les schémas de codage d'informations sont des schémas qui requièrent que les neurones déchargent rarement. Et bah d'ailleurs, le mode par défaut montre que finalement, on l'utilise tout le temps. Hein, le voilà, il y a une activité qui est constante et qui est la seule activité qui serait plus forte, ce serait pathologique. Ouais. Ce serait l'épilepsie, par exemple. Là, dans l'épilepsie, oui, les neurones déchargent beaucoup plus que en temps normal. Françoise, qui nous écoute attentivement, nous dit, mais dites donc, vous parliez de l'inhibition des galaxies tout à l'heure, mais ça veut dire quoi au juste? Oui, alors, précisons. Donc là, pour faire cette analogie, c'est un terme qu'on emploie déjà entre spécialistes, c'est qu'une galaxie a une activité de formation d'étoiles, ça va être un peu ça, sa vie. Et puis, l'inhibition, ce sont les mécanismes qui vont limiter ou arrêter la formation d'étoiles dans les galaxies. Alors, ces mécanismes-là, ça peut être par exemple l'explosion d'étoiles, les supernovées. Lorsque vous formez beaucoup d'étoiles, plus vous formez d'étoiles, plus vous avez d'explosions de supernovées, et donc plus vous avez une réaction qui va vider la matière, la galaxie de ses entrailles, et qui va réduire la formation d'étoiles. Et c'est comme ça que ça s'autorégule. Mmh. Une inhibition qui vient des explosions d'étoiles, qui est provoquée par l'excitation de la formation d'étoiles. C'est en ce sens qu'on parle d'excitation et d'inhibition dans les galaxies. Alain Destex, si on écoutait un peu la musique du sommeil, par exemple, ce que font les neurones, c'est ça qu'on va entendre? Alors, on peut la lancer. Alors, voilà. Ah, ça swing quand même. Voilà, et vous entendez en fait que dans l'activité du sommeil, le système s'arrête et repart tout le temps. Il y a un petit break, oui, à chaque fois. Voilà, et on appelle ça les états haut et bas, ou up and down states en anglais. Et ce sont les états du réseau pendant que le réseau produit des ondes lentes. Donc c'est le sommeil à ondes lentes. Ah oui. Et l'activité neuronale, est autrement, elle ressemble en fait à l'activité d'éveil, à part ces interruptions. C'est très vivant quand même ce qu'on entend là. Hein. Alors ça, c'est un travail que vous avez fait, vous, transcription au fond. Voilà, comme je l'ai dit au début, on l'utilisait comme un outil de visualisation. Ouais. Parce que, par exemple, imaginez que vous avez 12 heures d'enregistrement sur une centaine de neurones et vous voulez écouter le jeu permanent entre l'excitation et l'inhibition. Ben, en fait, c'est beaucoup plus simple de le mettre sous forme d'un fichier MIDI et puis vous l'écoutez sur votre baladeur. Ouais. Et dès qu'il y a quelque chose, vous l'entendez tout de suite. Tandis que si on regarde les signaux sur un écran ou sur un oscilloscope ou, je sais pas, un autre instrument. Enfin, il faut quand même arriver à retrouver un baladeur. C'est difficile de trouver un baladeur. Oui. MP3 player. Ouais. C'est ça. Merci de réactualiser vos connaissances. Et donc, d'un outil de visualisation, c'est passé à quelque chose où on a fait même un peu de création musicale qui était basée sur l'activité des neurones. On s'est amusé à faire vraiment, là, le but était simplement de faire de la musique. Et plus récemment, en fait, on a découvert que en sonifiant l'électroencéphalogramme, en particulier pendant les ondes lentes du sommeil, on pouvait créer une musique une musique ou des sons qui avaient comme potentiel de pouvoir endormir le sujet. Ah, en plus, ça fonctionne vraiment. Exactement. Et ça fonctionne si vous écoutez la musique qui vient de votre propre activité cérébrale. Ah, ça, c'est incroyable. On l'a, cette musique, me dit Fanny Boyon. Je ne sais pas si vous voulez la mettre, tout le monde va dormir. Non, mais ça, c'est la musique d'une personne en particulier, c'est ça? C'est la mienne, en fait. Voilà. Donc ça, par contre, ça peut vous endormir, vous. On va perdre Alain, là. Donc, il faut que je fasse un effort pour... Non, je rigole, mais c'est une musique qui... C'est une sorte de signature. Avec une probabilité d'autant plus grande qu'on écoute sa propre activité. Donc l'idée, c'est de faire une musique dont les modulations suivent complètement la séquence des ondes lentes. Et la séquence des ondes lentes, elle est propre à chaque personne. Et ça, vous l'avez testé en clinique ou pas? Alors on est en train de faire une étude pilote sur des patients qui sont insomniaques, avec des degrés divers d'insomnie. Ouais. Et puis on a essayé sur des gens normaux. Et ça fonctionne déjà ou pas? Et ça fonctionne. Publié, on a passé un brevet l'année passée. Il a été accepté intéressant. Très récemment. Ouais. Et maintenant on a une start-up qui va commercialiser ça. Ça va s'appeler My Waves. Très bien. Mes petites vagues, c'est ça? Mes vagues. Ouais. Pierre nous dit, quid de la masse manquante de l'univers? Y aurait-il aussi une inflation de notre cerveau comme l'univers au cours de son évolution? Alors, c'est au neuro ou au cosmo qu'on pose la question, là? L'inflation du cerveau au cours de son évolution, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le fait que cette activité, ce mode par défaut, a eu une croissance au cours de l'âge d'un être humain et qu'il était très très peu présent au début et très actif après. Ça s'applique effectivement à l'énergie sombre, à l'énergie noire qui a grandi au cours du temps. La question qu'on peut se poser, c'est que, comme le faisait entendre Alain, c'est que ce qu'on entend là, c'est que le rêve et l'éveil sont proches, très très proches. Mmh. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, finalement, ce que l'on appelle matière noire et énergie noire n'est pas une projection de nos rêves, de théories. Ce serait très joli et magnifique. Et alors Julie, dernière question, que pensez-vous des trous noirs qui ressemblent à de gros intestins fournisseurs d'énergie? Alors pour conclure sur les trous noirs, sachez que ce qu'on a découvert sur les trous noirs, c'est qu'au cœur de chaque cellule, il y a un noyau avec le génome. Et bien le trou noir, c'est là où il y a le plus d'informations dans une galaxie, le trou noir supermassif, qui joue le rôle d'un noyau cellulaire, une sorte de génome galactique. Et on pense que c'est là qu'est encodée même la cause de la mort d'une galaxie. Donc voilà, c'est une invitation à en savoir plus, mais sachez qu'on réfléchit aussi sur cette idée du rôle des trous noirs qui rappelle un peu le noyau d'une cellule. Et ça rappelle un peu l'apoptose, qui est l'apoptose, la mort dans laquelle la mort cellule est programmée. La mort des cellules, oui. Voilà, c'est tout à fait jubilatoire, en tout cas, vos travaux, vos recherches et vos échanges. Merci beaucoup David Elbaz et Alain Destex d'être venus nous en parler. On met tout ça évidemment sur le site de La Tête au Carré avec les liens pour écouter de la musique. Et puis le titre de votre dernier livre, David Elbaz, À la recherche de l'univers invisible. Voilà, c'est Odile Jacob. Merci beaucoup. Beaucoup à tous les deux.